avec sa crête. Je me changerais en alouette pour te faire les mistinguettes. Si j'étais un moustique métaphysique, je te sucerais tes pensées cosmiques. Pour moi ce serait fantastique. Mais je ne suis qu'un pauvre petit gars de rien. Mais je sais bien que pour toi je ne suis rien. J'avais un compte en banque de ministre. Je te ferais des cadeaux sinistres, des bijoux, des toiles d'artiste. Si j'avais un tempérament agressif, je te filerais des roues, tu serais sage comme une monstre. Mais tu n'es rien qu'une petite chippie Bouddha. Mais tu sais bien que sans moi tu ne vaux rien. Nous avions un peu de sens commun, on se tiendrait par la main au lieu de se tirer comme des lapins. Mais on sait bien que nous deux on est des moins que rien.